ondes de CKRL. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. L'Aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Jean-Tiens de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. L'Aérospatiale, le mercredi, 17h30. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. C'est la dernière émission de l'Aérospatiale pour la saison 2018-2019. Votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec sur les ondes de 89.1. Jean-Tiens de la France avec vous au micro pour cette prochaine heure à parler d'art. On va parler d'art notamment en premier lieu avec Sophie Lessard-Latendresse qui est allée voir l'exposition des finissants, finissantes en art visuel et médiatique de l'Université Laval. Une exposition qui s'intitule « Supérieur ou égal », le petit signe qu'on a appris dans nos cours de mathématiques, donc avec un petit crochet et une ligne. Donc, 17 finissants, finissantes, on va avoir l'occasion de découvrir un peu leur pratique. Ensuite, il y a Myriam Leland qui est allée voir le parcours Où tu vas quand tu dors en marchant du Carrefour de Théâtre de Québec. Bien hâte d'en entendre parler. Moi, personnellement, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, donc je vais le découvrir en même temps que vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et en toute fin d'émission, il y a Héloïse Foulon qui va venir nous parler de son exposition Diagonale des grilles. Héloïse Foulon termine avec cette exposition-là, sa maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. C'est une exposition qui est présentée à la Galerie Le 36. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose à cette galerie-là, qui se trouve là au cœur du Vieux-Québec. Et j'ai l'impression que Héloïse va pouvoir nous parler un peu de l'écho qu'elle a fait également avec l'environnement urbain. On va prendre une petite pause musicale avec la sélection musicale de Simon Roy, qui nous donne encore quelque chose d'impossible à lire cette semaine. Origami Biro. C'est pas si pire. Donc, Origami Biro, c'est un projet britannique qui est composé de musiciens, de compositeurs de trames sonores et qui joue aussi également avec le côté plus audiovisuel de la musique. Donc on va commencer avec un premier extrait du EP Flicker, donc la pièce titre Flicker. Thank you. de retour à l'aérospatiale après cette ambiance musicale proposée par Origami Biro. Et j'aimerais saluer Sophie Lessard-Latendresse. Bonsoir. Bonsoir, Gentiane. Alors, Sophie, tu es allée voir l'exposition des finissants, finissantes du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. À chaque année, c'est toujours des belles découvertes, des belles surprises. Oui. Cette année, il y avait quand même moins de finissants qu'à l'habitude, j'ai l'impression. Hein? Oui, en fait, ils étaient 17, mais effectivement, je me suis fait confirmer qu'il y avait moins de finissants. Habituellement, on est capable d'en voir une vingtaine. Mais Marie-Soleil Guérin-Girard, oui, qui est la commissaire d'exposition, a quand même fait un fabuleux travail pour essayer de remplir du mieux qu'elle pouvait là, donc l'espace, le grand espace qui lui était disponible. Notamment en créant des petits raccoins. Mm-hmm. Puis moi, ça, j'ai beaucoup aimé. Oui. Là, ça crée vraiment un espace pour bien apprécier les œuvres. Puis moi, tout de suite, en fait, ce qui m'a frappé dans cette expo-là, puis que je lève mon chapeau, c'est un petit peu de voir toute la pluralité des médiums qui ont été choisis. C'est, oui, c'est pas juste la peinture, c'est pas juste du dessin. Oui. C'est un beau défi également à mettre ensemble tout tellement, ça. Il oui, y a différentes problématiques aussi qui sont abordées, très différentes les unes des autres. Donc oui, c'est toujours un défi de commissarier une exposition de cette nature-là. Effectivement, tu sais, on est capable. Moi, je trouve ça merveilleux que ça soit mis de l'avant dans cette exposition-ci, que de voir par exemple la broderie du crochet mm-hmm, illustré, mise en exposition. Il y a des sculptures molles aussi, faites avec des bonnylons, la vidéo, l'audio, la photographie, la performance. Bref, c'est vraiment... c'était vraiment super intéressant à regarder, à voir comment Marie-Soleil a pu mettre ça en forme. Puis aussi que ça allait cette tribune-là, tu sais, bon, en étant historienne de l'art, ça n'a pas toujours le crochet, la broderie, il n'a toujours pas eu les mêmes lettres de noblesse, puis je trouve ça vraiment génial que dans l'exposition des finissants, il y a certains finissantes et finissants qui ont choisi, donc, de choisir des matériaux comme ça. Alors moi, c'est vraiment ce qui m'a frappée en premier. Ouais. Ah, ouais. Vraiment. Donc, une espèce de retour du fer aussi, oui, mais pas un fer qui est nécessairement associé aux grands arts, aux médiums traditionnels, mais traditionnels dans le sens peinture-sculpture, oui, mais plus à... Oui, vraiment, plus... vraiment. Ouais. Lorsque je l'entends, c'est vraiment plus d'un côté historique. Puis, tu sais, je parle du crochet, de la broderie qui m'a beaucoup interpellée, mais il y avait aussi tu l'as probablement vu, une sorte d'herbier. Oui, un herbier mural très, oui, très délicat. Oui, puis oui, c'est une finissante qui a un parcours en joaillerie. Donc, il y avait ça aussi. Mm-hmm. C'était la diversité, vraiment, des médiums qui a été choisis. Puis, je lève mon chapeau, vraiment, là, pour avoir réussi à mettre tout ça en exposition. Et un coup de cœur parmi les 17 finissants, finissantes. Oui, donc plusieurs, oui, coups de cœur. Ben plusieurs coups de cœur. Je trouve ça intéressant. C'est sûr que la thématique qui a été choisie, c'est pas, on réinvente pas le monde, mm-hmm, mais ça s'inscrit très bien dans notre monde actuel, dans notre monde contemporain, mm-hmm, là, au niveau de des interrogations qu'on peut avoir. Il y a beaucoup ce qui est sorti, je trouvais beaucoup la question d'identité, la question du genre, la question d'identité sexuelle aussi qui, oui, qui est ressortie, qui est une question d'actualité. Oui, qui est très présente chez la jeunesse, là. Oui, effectivement. Ah, ouais. La question environnementale qu'on évacue mm-hmm, pas du tout. Il y a tout le rapport au corps aussi que j'ai trouvé intéressant. Le rapport avec l'intimité aussi. Je pense notamment à une œuvre et je cherche... De Claudie... Oui, je pense que c'est Claudie, ça. Claudie Maillot-Trottier. Oui, les livres. À bibelot et table de chevet, oui, la photographie argentique, que j'ai trouvé un travail hyper sensible, tout en délicatesse, vraiment, qui rentre dans un univers un petit peu plus, questionne un peu plus l'intimité. Pour la question d'identité, il y avait quand même une question avec beaucoup de... Le masque était assez mis en valeur. Oui, aussi, c'est vrai. Oui, oui. Plusieurs masques dans l'exposition. En effet, le travail d'Élie, puis je me souviens jamais des noms de famille, là. Mais il y avait d'abord ce masque tricoté là qu'on pouvait voir là, qui était assez choquant. qui déstabilise là. Oui, oui, oui. Parce qu'avec 17, Paquiri. Oui, c'est ça. Donc avec les 17 noms, on peut paraître un peu perdu parfois. Oui, mais c'est les œuvres qui nous marquent. Oui. Et c'est Lise Paquiri en fait qui a fait le crochet, la plastique. Elle a utilisé aussi le plastique. Oui. La vidéo dans la gestation et le masque vulvaire. Moi, j'ai eu ça frappe quand tu rentres, c'est ça. Oui. Puis j'ai eu ça a été un de mes coups de cœur, en fait, je pense, par l'utilisation des matériaux, par l'audace aussi de mettre ça en, oui. En exposition. Tout le côté étouffant qu'elle vient aussi générer là, tu sais, chez les spectateurs, là, chez nous. Effectivement, effectivement. Puis dans un petit recoin, il y a l'installation. Tu sais, c'est carrément, je sais pas si c'est, je pense que c'est elle là, qui fait une performance à partir de son œuvre qui est comme parapluie, mamelon, chapeau. Oui. Oui. Une œuvre assez énigmatique là. Effectivement. Donc toute cette question-là, moi, je pense qu'il se rattache, à l'identité, je redis le rapport au corps. Il y a aussi beaucoup la notion du... Quand on parle d'identité, on parle aussi beaucoup du langage. Oui. La langue d'un peuple. Puis là, je lève mon chapeau à Jackson Bradley, qui a d'ailleurs raflé deux prix, le prix Avatar et le prix Folie Culture, pour son immense créativité pour la création d'une langue. Oui, il a inventé un langage. Oui, il a inventé le langage, et je ne sais pas si je le dis correctement, mais c'est le Kigegu. Mais franchement, chapeau. Alors, Jackson Bradley, qui a fait un dictionnaire, qui a créé ses propres règles grammaticales, orthographiques. Sa propre calligraphie. Oui. Mm-hmm. Puis qui le parle. Je me suis aussi fait dire que Jackson parlait le slingo. Donc, la langue de Star Trek. Mm-hmm. Vraiment une grande créativité avec peut-être un... J'ose dire peut-être un matériau ou du moins la langue, les mots, tout simplement, ouais. Qui n'a pas créé avec des médiums conventionnels, mm-hmm. mais il a su vraiment être hyper créatif avec quelque chose qu'on utilise tous les jours, qui est la langue, pour peut-être nous faire justement re-questionner cette notion d'identité-là. Et il est anglophone, lui, je crois, parce qu'il y avait des éléments d'un dictionnaire avec la traduction était faite de sa langue à l'anglais. Oui, ouais. En plus, il est anglophone, donc mm-hmm. Sincèrement, ouais. Félicitations. Puis il y avait Stéphanie Le Tarte aussi, qui joue beaucoup avec le langage, qui a eu donc le prix René Richard. Stéphanie Le Tarte, en fait, qui a composé des discours à partir de textes célèbres, aux accents un peu sexistes. Mais c'est ça, il y avait comme une programmation qui, j'ai l'impression, faisait que les textes se mélangeaient les uns les autres, c'est ça? Oui, exactement. Puis ouais. C'est trois textes qu'elle reprend. Il y avait un texte féministe, un texte pour la ménagère, puis un autre texte, bon, je me souviens plus de la nature des... Plus machiste, je sais oui, qu'il y avait le Marquis de Sarre, notamment, oui. Puis tous les textes s'en mêlent les uns aux autres. Donc, Stéphanie qui a gagné le prix, qui a remporté, en fait, le prix René Richard, qui utilise, encore une fois, mais le langage... Ouais. Vraiment pour s'insérer dans cette problématique de l'identité, du questionnement de l'identité, mm-hmm. Que Marie-Soleil Guérin-Girard, donc la commissaire, a voulu mettre de l'avant. Il y a également Catherine Robitaille qui a raflé le prix pour la bande vidéo Louis Garneau et aussi le prix du lieu, qui est une vidéo terriblement angoissante. C'est une installation vidéo immersive. Totalement, oui. Et on est vraiment dans le monde de la sorcellerie. On est dans un univers qui rappelle le film d'horreur avec des dispositifs très efficaces, là, quand même. Terriblement efficace. On en parlait avant de commencer la chronique. Là. Donc, t'as pas été capable de rester très très longtemps, tu disais? Moi non. Moi non, mais ça fonctionne très bien. Cet exercice de frayeur est extrêmement efficace. Totalement. Oui, oui. Ça, ouais. Je pense que les dispositifs là, qu'elle a mis, qu'elle a mis en place au niveau de l'image, au niveau des prises de vue, les costumes, le maquillage, la bande sonore. Non, c'est hyper efficace. Ça génère tellement d'émotions. Et puis il y a comme deux projections, une projection qui roule en continu, puis il y a une autre projection qui vient juste happer le coin de l'œil, puis qui vient nous faire faire des sauts, là. Donc il y a vraiment une ambiance très très anxiogène là, qu'elle crée, là, qu'elle génère, qui est peut-être pas nécessairement facile à vivre. Non, mais ça dépend des personnalités. mais non, mais en fait c'est une bonne chose parce que ça fonctionne. Oui. Son installation fonctionne. On est plongé dans le noir. D'abord, on est plongé dans le noir et puis il y a ces personnages, c'est ça, qui font peur, qui se dirigent vers nous, qui nous regardent. Au niveau de la photographie aussi, puis tu sais, je discutais de toutes les questionnements, les thématiques qui étaient mises de l'avant. Bon, on a parlé de la notion d'identité, la langue, l'intimité. Puis là, tu te diriges vers l'environnement. Oui, j'ai dit. Oui, donc, on va parler du travail de Joël Henry. Bon. Voilà, oui. Alors voilà, tu veux-tu m'en parler, gentil? J'avais reçu Joël Henry ici en entrevue lorsqu'il a participé à Bande d'essai. Oui, OK. Ouais. Donc de voir son travail à Bande d'essai, de le voir ici aussi à l'exposition Définissant-Finissante du baccalauréat en arts visuels de l'Université Laval. C'était quand même intéressant de voir aussi les différents pans de sa démarche, mais il y a vraiment il y a ce côté cueillette aussi. Il y a quelque chose de la performance. Oui, il y a quelque chose de la performance, quelque chose du processus aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'œuvre de Joël Landry, et je pense que ça l'a, je fais un jeu de mots, mais ça l'a tombé dans l'œil de poisson parce qu'elle a raflé le prix. Le prix tombé dans l'œil. Oui. Et ainsi que le prix Louis Garneau. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'œuvre de Joël, c'est toute vraiment sa mise en exposition de carrément tout le processus artistique. Ouais. Puis ça, j'ai beaucoup apprécié, effectivement, mm-hmm. tu nommes la performance. Pour moi, ça a été un travail aussi qui est justement un petit peu immersif parce que j'ai pu m'imaginer justement son cheminement qui a donné lieu, qui a donné naissance à l'œuvre qui est exposé au troisième étage de la fabrique, mais il y a aussi il y a des objets, il y a des petites feuilles avec dactylographiées, ses photographies, il y a vraiment un travail au niveau de l'archive, de la documentation que Joël a fait, puis qu'elle met ça en lumière dans un processus artistique qui est fort intéressant. Avec une très belle sensibilité esthétique, là, la sélection des objets nous amène dans un univers où on les voit d'une autre manière. Totalement, mm-hmm. puis très, très simple quand même sa mise en exposition, mais très efficace. Mm-hmm. Puis c'est sûr que c'est des thématiques qui nous touchent, des thématiques qui sont contemporaines, oui, actuelles. Oui, parce que pour l'expliquer très très brièvement, très très clairement, c'est que Joël Henry, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle cueille des objets de plastique qui ont dérivé sur les rives. Donc là, on peut penser à ces océans de plastique. On entre aussi dans toute la question de la sensibilité environnementale qui est de plus en plus présente parce qu'on n'a plus le choix. Oui, là. Mm-hmm. Effectivement. Puis ça, ça a été son sujet de préoccupation. Que dire d'autre? Tellement de choses. J'ai nommé en fait les sculptures molles de Maëlle Urien, que je trouvais qu'elle a très bien réutilisé. C'est à la question, encore une fois, je pense, de l'identité du corps qui façonne des membres, des organes là, à partir de nylon. Oui, puis de mousse. Puis elle a fait une sculpture avec ça. Ça donne des frissons. Oui. Puis t'as comme envie de toucher, c'est doux, c'est comme pas ça à quoi s'attendre dans une sculpture, puis en même temps non, c'est hyper intéressant. Puis il y a le travail aussi de vu que je pense à Maëlle, il y a aussi le travail en diagonale de Noémie Otis qui a raflé le prix pour la chambre blanche. C'est vraiment toutes des peut-être tu vas t'en rappeler, mais des petits cubes. Oui, et on regarde avec à l'aide de Judas, donc on regarde à l'intérieur de ces blocs là, puis on peut voir des laboratoires fabrique de chiens, mais qu'elle a comme elle-même fait avec des couleurs très criardes. Ouais. Donc c'est, il y a un concept aussi, ben oui, ça nous fait re-questionner sur notre environnement, mais je pense qu'aussi il y a un concept, tu sais, de j'allais dire voyeurisme, mais tu sais, de rentrer dans l'intimité, tu sais, on regarde puis on rentre dans un environnement qu'elle a elle-même donc recréé à l'aide d'un petit orifice. J'ai beaucoup aimé aussi, j'ai trouvé ça très créatif, très original, vraiment. Puis il y a un écho qui se forme aussi également de cette œuvre-là, puis celle de d'Élie Dubois-Sénécal avec ses rideaux de voiles roses. Oui, et les masques avec Donald Trump. Oui, puis les masques maquillés à la Marilyn Monroe. Donc on parlait de questionnement sur l'identité. Il y a quelque chose de très très fort. Et puis encore une fois, on est dans des espèces d'œuvres qui viennent nous bousculer, qui nous dérangent, qui vont nous chercher dans nos tripes là, avec des propositions comme celle-là. Là. Ben oui, qui en fait moi ce qui m'a le plus dérangé, c'est que tu penses que c'était le masque de Trump là, fait que ça s'insère très bien dans notre ère politique. Mais effectivement, encore une fois, on est dans la question d'identité. Dans la mise en œuvre aussi théâtrale, mais moi je ne peux que faire des parallèles avec le théâtre qui est la scène politique américaine. Oui. Donc c'est intéressant de faire ces parallèles-là de par la thématique que Marie-Soleil et les finissants et finissantes ont choisi de mettre en lumière avec leur exposition finale. On l'a pas vu dans l'exposition, puis parce que hier je suis allée donc à la remise des prix, puis pour terminer, j'aimerais faire une mention pour un projet que je trouve totalement original et que je ne savais pas. Projet qui a été mis sur prix par Georges Azaria, donc le directeur de l'École des arts visuels, qui est le fait de pouvoir créer un drapeau. Je sais pas si t'es au courant. Oui, ben ça a commencé l'année dernière. Oui, ça a commencé avec Stéphanie Le Tarte. Exactement. Qu'on peut voir, en fait, dans l'exposition qu'on a discuté. Mais ça se refait, donc l'initiative est refaite cette année. Donc, moi, j'étais pas là hier, mais je pense qu'ils ont présenté tous les projets qui avaient été soumis, puis le projet qui a été choisi, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, le projet qui a été choisi, c'est le projet de Stéphanie Matt, qui est donc, ce sont des écritures et de mémoire, je ne peux pas te redire ce qui est sur ces écritures-là, mais c'est en fait ce qui est intéressant, c'est qu'elle a travaillé. C'est un jeu d'inversion. Exactement. Il y a deux phrases, deux formules qui se croisent. Là. Oui, donc le drapeau a été vraiment pensé. Recto verso. Exactement. Et c'est ce qui a beaucoup plu au jury, mais je trouve particulièrement audacieuse la formule que M. Azaria a choisie, que de créer un drapeau pour la fabrique, pour l'école, et de pouvoir l'installer à l'extérieur, ben sur le territoire, oui, de l'école, mais quand même à l'extérieur des murs. Pour moi, je trouve que ça relève un peu d'une forme, ben ça va rendre l'art public, oui. Ses pensées, oui. Les gens qui vont attendre le bus à côté de la fabrique, qui ont probablement peut-être jamais mis les prix dans la fabrique, n'auront pas le choix de côtoyer l'art. Mm-hmm. Et moi, je trouve ça fantastique. Que c'est genre de oui de ben oui, c'est ça de je cherche le drapeau là, d'installation qui touche des gens qui sont pas nécessairement habitués d'être en contact avec de leur actuel, qui les font se questionner, qui vient s'insérer dans leur quotidien, puis qui étonne, en fait, totalement. Ouais. Puis on le voit pas dans l'exposition, donc je bifurque, j'élargis un peu le propos. Tout ça pour dire que ce drapeau là va être visible dans quelques semaines et pour tout l'été proche de la fabrique. Donc c'est aussi pour les auteurs et les auditrices là, un petit rappel de surveiller ça de près. Donc le drapeau de Stéphanie Matt qui a été choisi pour représenter l'école La Fabrique, et sur le drapeau, donc c'est spéculé sur le lever du soleil, et l'inverse, c'est acheter du temps libre. Et les mots s'intercalent, donc oui. C'est comme difficile au premier abord de comprendre c'est quoi qui est écrit, parce qu'on a une ligne à l'endroit, une ligne à l'envers, une ligne à l'endroit. Mais en tout cas, merci beaucoup Sophie Lessard La Tendresse d'être venue nous parler de cette très très belle exposition définissante du baccalauréat en arts visuels et médiatiques.

Allô, Myriam. Myriam Leland, tu es allée voir Où tu vas quand tu dors en marchant. J'ai fait ça. Cette formule que ça nous prend des années avant d'être capable de le dire comme il faut. Oui, c'est ça. Mais à force de dire que j'allais faire une chronique, j'ai réussi à... Et puis là, pendant la pause, on se demandait, c'est un parcours qui a été... la première édition était en 2009. Oui, c'est ça qui coïncide avec le changement. Le devenir annuel du Carrefour international de théâtre. Donc aujourd'hui, je vais parler vraiment plus de d'où tu vas quand tu dors en marchant, mais qui fait partie du Carrefour international de théâtre, qui est beaucoup plus grand que ce parcours-là. Ben oui, qui est plein de représentations, oui, de choses. Je pense qu'on pourrait faire un mois de chronique complète sur seulement le Carrefour. Oui. on se concentre sur les arts visuels. Exact. Et puis, on a remarqué, à chaque fois au parcours où tu vas quand tu dors en marchant, il y a un très, très beau croisement, notamment avec les arts visuels. C'est un parcours qui est interdisciplinaire. Oui. On a de la danse, on a du théâtre, on a de l'art audio, mais on a aussi des artistes visuels qui, normalement, travaillent peut-être plus la peinture, la vidéo, quand on pense à Martin Bureau, par exemple, qui deviennent un peu concepteurs de tableaux. Ben, en fait, pour faire simple, c'est tout. Où tu vas quand tu dors en marchant, c'est absolument tout ce qui est artistique, créatif. Puis ça va un peu justement dans la lignée du Carrefour international qui promeut cette interdisciplinarité-là. Oui. Puis on a du cirque, danse, art visuel, tu l'as un peu résumé. Donc, comme tu le disais, il y a des concepteurs. En fait, la formule change aux 2 ans. Il y a des représentations à chaque année. Par contre... À chaque 2 ans, les tableaux changent. Oui, c'est ça. On répète les mêmes tableaux pendant 2 ans. Et cette année, pour la première fois, c'est sur les abords de la rivière Saint-Charles. Oui. Ça doit être magnifique. C'est tellement un beau choix. Puis au départ, je me demandais en fait s'il allait avoir un lien entre le lieu de présentation puis les tableaux, parce que parfois ça peut être intéressant de faire un contraste ou au contraire de faire un lien. Puis il y en a beaucoup, je pense. Il y en a beaucoup, puis en fait c'est pas le lien auquel je m'attendais. Donc on se fait surprendre. Ben oui, raconte. Surprise. Donc en tout il y a 5 tableaux, le tout sous la coordination artistique d'Alexandre Fecteau. Oui. Comme tu le dis, c'est aux abords de la rivière Saint-Charles. Puis, il n'y a pas d'ordre pour ces 5 tableaux-là. Ça, c'est bien, ça. Oui. Mm-hmm. Ben moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est que je suis partie... Je vais appeler les cartographes en vous, là. Je suis partie de la rue Dupont pour me promener sur les abords de la rivière Saint-Charles. Puis, c'est entre la Pointe-aux-Lièvres et le parc Victoria. Donc, j'étais un petit peu plus loin de mon profit. Mm-hmm. Donc, j'ai marché. Il faisait déjà noir parce que ça commence à 21h. Il y avait pas grand monde sur la piste cyclable, sur les petits sentiers. Il y avait pas de vent, c'était très calme. Puis là, tout d'un coup, j'arrive au pont La Vigueur et la mare de monde. Il y avait du monde, il y avait du bruit, mais c'est que ça arrivait tout d'un coup. Donc, ça me faisait penser à Alice au Pays des Merveilles. Je suis tombée dans un trou de lapin, puis tout d'un coup, il y avait des mondes imaginaires qui se pouvaient pas inspirer de plein de choses. Et là, ça se joue sur la structure du pont. Oui. Il y a des acrobates, il y a de la suspension. C'est vraiment une espèce d'univers un peu aérien là, qui se passe. J'ai mis des petits cœurs dans mes notes, d'ailleurs, là, pour mes coups de cœur, puis celui-là, c'en est un. Terre promise. Terre promise, en fait, ça, c'est... C'est point ailleurs. De suspension, pardon. C'est ça, oui, point de suspension qui a une thématique du flottement, de l'élévation, comme tu as mentionné, mais aussi de l'amour. On l'entend beaucoup dans les textes qui sont récités. Mm-hmm. C'est très poétique aussi. Donc, on sort un peu du dialogue de théâtre traditionnel. Là, et ça, c'est vrai pour absolument tous les tableaux. On est presque plus dans la performance artistique que dans le théâtre. Mm-hmm. Ben, sans catégoriser, en fait, ça emprunte à vraiment plusieurs disciplines. Puis, beaucoup le contact humain aussi. Il y a des moments de pause, on avance. En tant que spectateur, on se fait toucher ou c'est plus les acteurs, actrices, les interprètes qui Il y a un respect. Touchent? Oui. Moi, je me suis pas fait toucher, mais tu sais, il y a une proximité qui est là, tout en respectant la bulle de tout un chacun. Oui. Là. Puis il y a des, en bon français, des eye contact qui se font. Contacts visuels. Des contacts visuels qui se font entre les acteurs acteurs, les comédiens, puis le public. Donc, je pense qu'il y a déjà ce contact humain-là qui se fait. Mais c'est beaucoup aussi par rapport aux relations humaines. Donc, on entre sur le pont. Il y a des gens qui récitent des textes par rapport à l'amour, justement. Ce que j'ai noté, c'est peut-être anodin, mais il y a une femme qui récite un texte, qui crie des noms, puis elle crie des noms d'hommes. Puis là, tout d'un coup, elle crie des noms de femmes aussi. Puis je me Est-ce disais... qu'elle a crié ton nom, Myriam? Non! J'aurais aimé ça. Elle était tellement fine. mais j'ai trouvé ça bien parce que c'était absolument pas catégorisé. Puis ça parlait d'amour, mais d'amour... d'amour amoureux, oui. mais... d'amour amical aussi. D'amour amical, ouais. d'amour... De liens humains, vraiment. Il y avait des genres de cocons, des gens en suspension, vraiment plus côté cirque. Puis tout d'un coup, il y avait comme des pans de tissu qui étaient attachés sur les côtés du pont. Puis là, des acteurs qui étaient enroulés dedans, puis qui ils se croisent au milieu du pont. Donc, ça t'oblige à arrêter. Donc, t'as comme trois arrêts comme ça sur le pont qui te forcent à arrêter. Et là, je vole un punch un peu, mais vous allez être surpris si vous y allez, c'est sûr. Bouche-toi les oreilles. Et là, tout s'arrête, la musique est plus douce. Puis là, les comédiens chuchotent. C'est quand la dernière fois que t'as regardé les étoiles? Mais t'as des contacts visuels aussi, puis ça t'oblige à regarder les étoiles parce que t'es sur le pont, malgré les nuages et pollution visuelle de Québec. Mais ça nous oblige à se rendre compte que ben, dans cet endroit-là de Québec, on les voit un peu, les étoiles. Oui, c'est vrai. Puis, puis j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est pas juste un comédien qui regarde là un point focal vers le fond de la salle, là, il te regarde dans les yeux en te demandant. Donc il y a des frissons là. Moi j'ai adoré ça, j'avais les larmes aux yeux, j'avais l'air d'une petite fille, j'ai adoré ce tableau là. Donc c'était la traversée du pont La Vigueur avec point de suspension. Exactement. Ensuite j'imagine que tu t'es dirigée vers l'embâcle des Sans Soucis de Martin Bureau. Oui, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'en parlais rapidement parce que j'aimerais ça peut-être parler d'un autre coup de cœur que j'ai eu. Comme je disais, il y a cinq tableaux, je pense pas que je vais avoir le temps de les détailler autant que j'ai détaillé le pont La Vigueur. Donc l'embâcle des Sans Soucis de Martin Bureau justement, qui a déjà collaboré, si je me trompe pas, au parcours d'années précédentes. Puis c'est assez littéral comme tableau. En fait, on a un embâcle littéralement de défaits, d'objets banlieusards. On est vraiment dans la consommation de gros objets. On dirait un gros accident qui s'est passé sur la rivière, puis des bruits justement d'accidents cacophoniques et tout ça. Donc on est un peu déstabilisé, puis il n'y a pas d'acteurs dans cet embâcle là. On se dit non, les interprètes sont à côté sur un ponton, c'est ça. C'est ça, mais on s'en rend pas compte parce que c'est vraiment un échange entre l'embâcle et le ponton qui est, encore une fois en bon français, un party boat, un bateau de fête. donc, en fait, il y a quelques comédiens avec un DJ sur le bateau. La musique se met à boum boumer, ça joue fort. Donc on est dans l'excès de consommation, dans l'excès de la fête. Ben, en fait, surtout l'excès de la fête pendant que les conséquences de l'excès de consommation se passent sous nos yeux, puis la fête continue, on s'en soucie pas. Donc l'embâcle des Sans Soucis, c'est assez littéral comme je disais. Oui. Puis comme je mentionnais, je voulais juste parler un petit peu de mon coup de cœur Terre Promise que t'as mentionné. Oui. C'est parce que t'as vu dans mes yeux que je voulais en parler. Oui, c'est ça, les étoiles de Terre Promise qui se retrouvent dans tes yeux. Exactement. Terre Promise, en gros, là, c'est un terrain de camping de bord d'autoroute. C'est ce à quoi ça fait penser, puis c'est vraiment ce à quoi Maxime Beauregard, Martin et Maryse Lapierre ont pensé, qui sont tous les deux comédiens. Puis Maryse Lapierre est metteur en scène, puis Maxime Beauregard-Martin est également auteur. Donc, ils ont collaboré. Et c'est les personnages, je pense, dans ce tableau-là qui sont vraiment très particuliers, très attachants, des marginaux, des espèces de personnages qui sortent de nulle part. Ouais, ben moi, l'impression que ça m'a donné, c'est vraiment que c'était des personnages marginaux, comme tu dis, mais qui ont leur place nulle part ailleurs que dans ce fameux camping-là, que dans cette terre promise-là. J'ai noté justement une petite citation. Devant les tableaux, il y a des petite légende, si on peut dire. Puis il y a un tableau où c'est deux femmes, une qui est habillée de façon assez extravagante, l'autre un peu en médic militaire. Là. Puis ils sauvent des flamants roses en plastique. Puis devant, c'est marqué sauver le monde, sauver la beauté du monde, mission de chaque seconde pour Juliette et Raymond. C'est mignon. Puis on sent une certaine souffrance, mais en même temps, c'est qu'ils sont tellement attachants que j'ai l'impression que tout le monde peut s'identifier à ça. Des moments de flottement social un peu, oui, où on ne sait pas trop où s'identifier. Ben, mm-hmm, ben, le lieu où aller dans ce cas-là, c'est Terre Promise, parce que c'est un camping qui a l'air très agréable. En tout cas, merci Myriam Leland de nous avoir parlé de quelques tableaux du carrefour, où tu vas, du parcours où tu vas quand tu dors en marchant, du Carrefour international de théâtre de Québec. C'est les jeudis, vendredis et samedis, puis il reste deux week-end, exactement. Donc, ce week-end, puis ça va jusqu'au 8 juin, donc le week-end prochain, c'est de 21h à 23h, c'est gratuit. Puis, comme on l'a mentionné, c'est aux abords de la rivière Saint-Charles, entre le secteur Pointe-aux-Lièvres et le parc Victoria. Et on suggère le jeudi pour moins de fil. Tout à fait, oui, parce que le vendredi, les gens ont envie d'y aller. Mais on va prendre une courte, courte pause musicale et au retour, c'est Héloïse Foulon qui nous parle de sa toute nouvelle expo de fin de maîtrise présentée à la Galerie 36. Alors, c'était un extrait de Ballerina Platform Shoes, toujours du groupe Origami Biro. Et j'ai avec moi pour l'aérospatiale Héloïse Foulon. Bonsoir Héloïse. Salut. Tu présentes actuellement ton exposition de fin de maîtrise qui s'intitule « Le diagonal des grilles » à la Galerie Le 36. Mm-hmm. C'est un beau lieu pour présenter ton travail, non? Oui, vraiment. Ouais, hein? Parce que on t'avait reçu à l'émission au mois de décembre l'année dernière, puis j'avais quand même un peu souligné le côté d'inspiration domestique, je dirais, peut-être, dans ton travail. Oui, vraiment, parce que, dans le fond, ma recherche, j'ai écrit mon mémoire, j'ai fait mon dépôt initial, donc c'est pour ça que j'ai eu mon expo. Et le début de ma recherche, il est basé sur... le corps en regard aux objets et aux lieux. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que la galerie, c'était vraiment un espace parfait, parce qu'à la base, c'est un appartement qui a été transformé en galerie. Oui. Et l'espace domestique, c'est des objets qui sont dans des pièces, mais ils ont été attribués. Par exemple, le frigo, ça va dans une cuisine, le lit, ça va dans une chambre. Il y a différentes fonctions. C'est ça. Ouais. Et puis c'est parti de ma recherche, elle est partie de là, de comment, en fait, de comprendre comment je regarde les objets. Et qu'est-ce qui est d'acquis aussi dans ces objets-là qu'on ne re-questionne pas vraiment. Et d'aller un peu le déboulonner ou le questionner. Oui, c'est ça. Ça, c'est surtout dans une pratique plus culturelle que je me pose ces questions-là, dans les objets que je fabrique. Après, il n'y a pas d'objet sans espace, parce que tout est toujours situé. Oui. Alors, j'ai évidemment parlé d'espace, mais la question de l'espace est quelque chose dont je parle plus dans les peintures, notamment avec la superposition. Mais oui, c'est ça. C'était un des éléments dont je voulais discuter, parce que c'est pas quelque chose que je me souviens qui m'avait marqué dans ta dernière exposition. Et puis là, c'était très, très présent. Il y a ce jeu de superposition, de transparence qui se joue dans la peinture, là. C'est nouveau dans ta pratique? Je pense que oui. Puis qu'est-ce qui t'a amené à explorer ça? Parce que il y a quelque chose qui vient vraiment ajouter du mystère, puis on est un peu intrigué, on aimerait voir derrière, on peut pas voir derrière. Ouais. On voit toute l'accumulation et quelque chose de l'ordre du sédiment aussi, ou du palimpseste qui vient s'installer. Puis qu'est-ce qui t'a amené à ça? Mais en fait, j'avais fait beaucoup de dessins en décembre dans l'exposition que t'avais vu, dont on avait parlé. Et là, dans la superposition, il y a comme plusieurs formes, que ce soit plus géométriques, plus organiques. Il y a des lignes aussi, des grilles, encore une fois. Oui. Mais la superposition, tu sais, c'est comme un signe que c'est un espace, mais c'est pas un espace concrètement. C'est une image, donc c'est comme pas vrai que c'est un espace. Ben, c'est vrai dans le fait que c'est l'espace de la peinture, l'espace de l'image. Mais c'est comme pour parler de cette notion-là, mais dans une autre dimension qui fait juste appel à notre capacité à se projeter mentalement, qu'il y a un avant et un après, un devant, un derrière, en fait, plus. Oui, c'est ça. Il y a comme une espèce d'aplanissement des différents plans qui viennent se rencontrer. Puis il y a plus d'espace entre les plans. Donc, on peut penser à un espace physique, mais aussi à un espace temporel. Tu sais, moi, je réfléchis à voix haute, mais on pense à ce logiciel pour faire les backups en bon français sur Apple, tu sais, où on voit toutes les couches des différentes sauvegardes qui ont été faites, tu sais. Donc il y a de ça aussi, tu sais, comme des espèces de couches temporelles de différents moments qui viennent s'ajouter les uns sur les autres. Oui, c'est ça. Puis c'est surtout que j'ai mis plus de temps à faire ces peintures-là que d'habitude. Mm-hmm. C'est quand même assez rapide. Mais là, c'est comme si chaque forme ou ligne qui était faite arrivait à un moment où la réflexion était plus la même. Par rapport à différentes choses, à différentes influences aussi, inspiration plus. Oui, et puis c'est intéressant parce que c'est quelque chose dont on avait discuté également en décembre, c'est quelque chose qui est très présent dans ton titre, la grille. Oui. C'est un élément, un motif récurrent dans ta pratique. Oui. C'est donc l'exposition se nomme Diagonale des grilles, et tu m'avais parlé de la répétition du jamais fini qui t'intéressait dans la grille. Puis j'y trouve un écho aussi avec cette accumulation de couches. Ouais. Oui, de répéter, d'avoir une espèce de collection quelque part. Ouais, ben c'est ça, c'est que la grille, en fait, c'est plusieurs choses. Puis je pense que c'est pour ça que ça m'intéresse autant, c'est que déjà c'est parti d'une observation de l'architecture des fenêtres, sa forme des grilles avec les différents carreaux, de tous les motifs architecturaux, en fait, de beaucoup en tout cas, et des bâtiments, en tout cas. Et donc c'est ça part de ça. Puis après, c'est autant en fait un espace qu'un objet. Donc un objet, comme je disais, dans l'architecture, puis c'est aussi quelque chose qui sépare, mais sans vraiment séparer. Par exemple, quand il y a des travaux puis qu'il y a des grilles dans la rue, c'est une indication qu'on ne peut pas passer, mais par la projection mentale, on sait qu'on peut s'y rendre parce qu'on le voit puis qu'on connaît notre... On peut contourner la grille. Oui, c'est ça. Ou on voit de l'autre côté. Donc, il y a vraiment une espèce d'état de oui mais non en même temps. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu parlais de l'espace urbain. Est-ce que tu t'évoques l'espace urbain extérieur de la galerie, parce que la galerie Le 36 se trouve au cœur du Vieux-Québec. Oui. En quoi cet espace-là est venu influencer un peu ce que tu proposes dans l'exposition? C'est C'est plus lié au fait que de base, c'est, ben, tu sais, les briques. Ouais. C'est genre mm-hmm. toutes ces petites choses-là, ben, les briques ou les dans la rue, là, les. Comment on appelle ça? Pavé. Ouais, mm-hmm. les pavés. Mm-hmm. C'est des choses, mettons, tu sais, quand on les prend individuellement, ça sert à rien, en quelque mm-hmm. sorte, mais c'est dans une construction que ça forme une chose utile. Je sais pas si je m'explique bien, mais ça a rapport aussi avec cette idée de collection, que quand on prend les choses individuellement, c'est pas la même chose que si on les considère dans leur globalité. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc un pavé seul ouais, n'a pas d'utilité à part pour quelqu'un dans une manif qui veut faire des niaiseries là, mais un pavé tout seul n'a pas d'utilité, comme juste une mais forme. C'est le groupe. Ouais, ouais. Ouais, ça devient une forme, ouais. Ça devient donc c'est un peu extrait de son contexte, oui. Mais dans la répétition, il y a d'autres choses qui se développent. Et une dernière question, il y a un élément en papier mâché dans l'exposition, donc oui. une espèce de pôle avec une base et la répétition de cet élément-là de manière picturale. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette sculpture mystérieuse? Oui. C'est parti de... Je marchais, puis là, j'ai vu un objet. Je pense que c'était un porte-manteau, c'était la nuit, alors je ne me souviens pas très bien. Mais en fait, ce qui m'a plus intriguée, c'est le fait que c'était une colonne qui était posée, mais une espèce de morceaux de n'importe quoi comme ça, s'il n'y a pas de base, ça ne tient pas debout mmh. au sol. Mmh. Donc, c'est cette chose-là que je trouve intéressante, c'est que ça doit être posé pour que ça tienne. Mais donc, cet objet-là, pour y revenir, c'est quelque chose de totalement inutile. Mais il y a aussi une chaise dans l'exposition qui en regard de ça, la chaise est un objet utile, mais qui ici n'est pas utilitaire. Oui. Mais le point commun de ces deux choses-là, c'est que c'est juste des choses matérielles et puis c'est tout. Mmh, après, mmh. c'est comment on regarde, puis par notre expérience, puis le langage aussi, évidemment, qu'on ajoute des spécificités à ces choses-là. Mais l'objet, qu'on ne sait même pas comment l'appeler finalement, l'espèce de colonne, il est juste là comme aussi une forme, ouais. finalement, mais une forme qu'on retrouve plus... On peut plus parler de forme dans la peinture, mm-hmm. parce qu'il est aussi reproduit. Mais c'est ce lien-là entre l'objet puis l'objet représenté qui... finalement, l'objet représenté, c'est plus l'idée qu'on a de cette chose-là. Mm-hmm. Ou sa compréhension plus globale ou synthétisée. Ouais. Donc, on est vraiment dans des réflexions de maîtrise, là. donc, pour ton exposition de fin de maîtrise, c'est à la galerie Le 36. Ça s'appelle le Diagonale des Gris. Toi, tu t'appelles Héloïse Foulon. Oui. Et ça se termine... Alors, c'est encore ouvert... Dimanche, c'est ça? Samedi, ça termine okay, samedi, mais c'est ouvert vendredi et samedi de 13h30 à 17h. Et c'est au 36 Rue Couillard, dans le Vieux-Québec. Une très, très belle exposition. Merci, Héloïse Poulon, d'être venue nous en parler. Et nous, on prend une courte pause audio et au retour, c'est l'agenda de la semaine. Different type of Alors, cette dernière émission de la saison de l'aérospatiale se termine sur un dernier agenda de la semaine. Ce soir, c'est le vernissage de Miro à Mallorca qui est présenté au Musée national des beaux-arts du Québec. Demain, ça va être le vernissage VIP de la 6e foire en art actuel de Québec. Et le vernissage grand public va avoir lieu vendredi soir. Vendredi soir, c'est également au lieu que ça se passe avec D de Chung Hua Kat. Catherine Dong. Et il va y avoir également, à partir du 5 juin à 16h, l'exposition Versailles Chantier qui va avoir cours tout l'été dans la bibliothèque de l'Université Laval, donc une exposition de l'artiste Laurence Gravel. Ensuite, le colloque L'art dans l'espace public, toujours au Musée national des beaux-arts du Québec, va avoir lieu le 6 et le 7. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire cet été. N'oubliez pas le parcours Où tu vas quand tu dors en marchant, dont on a parlé tout à l'heure avec notre chère Myriam Leland. Et c'est jusqu'à dimanche qu'on peut aller voir l'exposition d'Yvan Binette, Voyager du regard, revisiter le paysage, qui est présenté actuellement à la Maison Amel Bruno. Une très belle incursion dans l'univers de cet artiste photographe de Québec, donc une exposition rétrospective. Bon, c'est ainsi que se termine cette dernière émission de la saison de l'aérospatiale. J'aimerais prendre un moment pour vous remercier, vous d'ailleurs, chers auditeurs, chères auditrices qui êtes là à chaque semaine ou non. Un grand merci également à nos chroniqueuses et notre chroniqueur de la saison, Audrey Caro. Anne-Sophie Homer, Sophie Lessard, La Tendresse, Delphine Eggesbar, Jean-Michel René, Marie-Claude Drolet, Claire Dumoulin, un plus grand merci à Claire Dumoulin qui me remplaçait à quelques reprises, Myriam Dufour, Myriam Leland, merci à Simon Roy pour nous proposer des ambiances musicales étonnantes et rafraîchissantes toutes les semaines, merci à notre fidèle metteur en onde, Jacques Gignac, le Fernand Leduc de la console cette semaine, je vous souhaite un bel été. Et merci à l'animatrice. Merci Pierre. On se remercie jamais assez soi-même. Non, exactement, il faut le dire. Merci Pierre Blais. Parce qu'en dehors des ondes, c'est beaucoup de travail. Ça fait combien de temps là que t'animes Situation Critique? Je sais plus là, mais il faut pas parler de ça, on a merci on a un pour bizarre à passer. Donc là, on parle d'Aladin. Oui. Aladdin qui, déjà? Je vais dire comme David Bowie, Aladdin Sane, qui est le titre d'un de ses albums. Oh wow. Bref, le plus grand plaisir de faire de la radio, je pense qu'on est pareil, toi et moi, Jean-Tienne, c'est d'être en équipe. Oui. Alors, dans mon équipe aujourd'hui, il y a Patrick Marleau et il y a aussi Laurence Tremblay, qui a vu Aladdin, ce nouveau film qui a pris l'affiche vendredi dernier. Okay. Réalisation de Guy Ritchie. Est-ce que tu te souviens avec qui était marié Guy Ritchie, ce Britannique? Oh, elle connaît ses potins! Elle lit ses revues! Guy Ritchie qui a commencé sa carrière en faisant des sortes de films de gangsters et qui, depuis, s'est un peu éparpillé. Avec son nouveau film, qui est une sorte de comédie où on reprend le mythe d'Aladin, t'as peut-être vu la bande-annonce, il met en vedette dans le rôle du génie? Non, j'ai pas vu la bande-annonce. Will Smith en bleu. Oh! Drôle. Oui. Intriguant. Je sais pas si j'ai envie de voir ce film. C'est pour ça que j'ai délégué Laurence. On va en parler tout à l'heure, mais je tiens quand même à te dire, en terminant, que c'est une production de Disney hein, qui refait ses classiques présentement. Okay. Le Roi Lion va sortir là, cet été. Ben moi, j'avais vu Aladdin en dessin animé. Ouais. Bien sûr. Mm-hmm. Mais en ce moment, Disney possède les films de Marvel, les films de Star Wars. Il reprend là, avec succès ses classiques. C'est du bidou. Oui. Du gros, gros bidou. Donc, on parle d'Aladdin à Situation Critique ce soir. Bonsoir. Limoilou en musique et le Grand Bazar des Ruelles s'unissent pour célébrer leur 11e édition. Du 7 au 9 juin, venez fêter dans le quartier Limoilou avec la réunion de deux événements phares qui feront courir les foules. Le pire est dans mon cœur, le meilleur reste à boire. Galaxy, Damien Robitaille, KNLO, Jérôme 50.